En Corée, le fresque représentant les portraits souriants des grands leaders sous thème « Le camarade Kim Il-sung, grand leader, est toujours avec nous » et « Le camarade Kim Jong-il, grand dirigeant, est toujours avec nous » sont érigés à la mine houillère de la jeunesse de Chun-sung et la fresque représentant les grands leaders se trouvant parmi les ouvriers du complexe de locomotives électriques Kim Jong-un à la compagnie du dépôt des machines de Sinsong-chun. La fresque sous thème « Récolte abondante » construite à la ferme coopérative de Taesong de l'arrondissement de Pyeongsong interprète le regret ardent et la vénération sans borne des agriculteurs de cette ferme envers les grands leaders qui se sont donnés corps et âme pour la récolte abondante. Les services de dévoilement ont eu lieu.